La ville respire au rythme du bitume. Radeskill marche silhouette dans la brume. Chaque pas résonne sur l'asphalte chaud. Les ombres dansent, le temps devient flou. Souffle court des ruelles oubliées. Emporte rêve et pensée. Sous le voile sombre d'une nuit sans fin, nos cœurs s'enflamment, battent le matin. S'efface, ville s'endort, mais brûle encore ce trésor. Mémoire vive d'époque folle où espoir lutte, âme s'envole. Radeskill marche seul, guidé par basse. Chaque note réveille les âmes en place. Souffle léger d'un sac chaud. Caress only, à présent. Hold me close, through the midnight glow. Feel the rhythm, let it flow. In the silence, hear the call. We rise, we fall, give all. Secret s'échappe d'entre doigts, comme ombre fuyante sous voix. Basse pulse harmonique, soupir, nuit qui ne cesse de suivre. Rêve s'entrelace dans vent, murmure doux, chante captivant. Radeskill marche libre, perdu lumière, porté par musique loin poussière. Temps s'arrête, suspendu son, chaque note frisson, raison. Nuit, reine, ville danse. Sous étoiles naîtrantes, je suis ombre qui s'étire, feu brûle intensément, car son et lumière trouvent paix et vérité claire. Hold me close through the midnight glow. Feel the rhythm, let it flow. Façade grise, souvenir flotte, se brise. Lumière danse, pavé mouillé, rêve d'hier prêt à s'envoler. Tends main vers futur flou, chaque instant éclaire tout. Nuit où tout peut renaître, je chante encore prêt à renaître. Sous l'une voix s'élève, écho doux jamais s'achève. Ammonica glisse, brise, sac s'envole, nuit se déguise. Battement unique, cœur fort, rythme lent, rien sort, magie, instant suspendu, rêve éveillé, monde perdu. Vers horizon, jamais atteint. Radeskill marche seul, jamais sans foi. Musique et roi, monde où tout s'efface. Cherche une place. Je suis lumière, nuit noire. Et chaud doux rêve illusoire. Ombre s'efface, paix revient. Sous ciel vaste, tout tient. Étoile brille, gardienne tant, homme lié, toujours battant. Souffle, vie partagée, nous libre, libérés. Hold me close, through midnight glow. Feel the rhythm, let it flow. In silence, hear the call. reste ici, ne pars pas. Il répond, je reste avec toi, toujours. Iwata, I stay with you always. Illusoire, ombre s'efface, paix revient, sous ciel vaste, tout tient. Étoile brille, gardienne, temps, lié toujours battant, souffle vie partagée, nous libre, libérés.